que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené comme connaissance de cette religion. Et c'est le sujet donc de notre conférence aujourd'hui. Donc, on va essayer de comprendre en même temps aussi le mérite de la science. Et on va parler, inshallah, de la réalité de cette science et de ses caractéristiques et de ses particularités. Et des particularités également des gens de science, c'est-à-dire de ceux qui possèdent cette science. Et ce qu'ils doivent également respecter comme règles, comme comportements et comme pratiques. C'est-à-dire que lorsque Allah Azza wa Jal a fait l'honneur à une personne d'avoir cette science, eh bien, ça implique qu'il doit adopter certaines attitudes et certains comportements. Et c'est par cette science que Allah Azza wa Jal a honoré cette umma et qu'il a élevé cette umma, qu'il a fait de cette umma la meilleure umma qui est sortie pour les hommes, qui est sortie dans l'humanité, parce qu'elle ordonne le bien et parce qu'elle interdit le mal. Et il n'est pas possible pour cette umma d'atteindre ce degré d'excellence et d'atteindre ce degré de bien, excepté si elle adopte yani, la voie de la science. La science du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant les traces des pieux prédécesseurs, des salafs salih, dans l'apprentissage du livre d'Allah, dans la mémorisation du livre d'Allah et dans l'apprentissage et la mémorisation de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on suit les traces de nos prédécesseurs, de nos salafs, en étudiant le livre d'Allah, en essayant d'obtenir la compréhension de la révélation et de ce qui a été révélé, et en étudiant également la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et en essayant de chercher à la comprendre correctement, et également de mettre en pratique, ce que le Coran et la sunna nous a incité de respecter et de faire. Et d'appliquer cette science du Coran et de la Sunna selon la compréhension authentique qui est en accord avec la volonté d'Allah et avec la volonté du messager sallallahu alayhi wa sallam et non pas selon nos passions et nos désirs. Et le degré de la science est un degré élevé. C'est un degré extrêmement élevé. Et c'est pour cette raison que les hommes de science en islam sont des hommes respectés et des gens élevés également, à cause de la science qu'ils portent. Et Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran justement qu'ils sont élevés en degré, dans le verset 11 dans Surat Al-Mujadala, lorsqu'il dit « Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Yarfa'illah. Qu'est-ce que ça veut dire yarfa? Ça, c'est le verbe rafa, yarfa, qui veut dire d'élever quelque chose. Et donc, Allah Azza wa Jal élève en degré. Yarfa ou darajat. Il élève en degré alladhina amanu minkum. Ceux d'entre vous qui ont la foi. Et il dit walladhina utul ilm. Ainsi que ceux qui détiennent la science et le savoir de la religion. Donc ceux qui détiennent la science, Allah Azza wa Jal les élève en degré. Ceux qui détiennent la science et la foi, Allah les élève en degré. Et la science, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. La science, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd parce que c'est une responsabilité. Et la science, elle est lourde en elle-même, même que Allah Azza wa Jal, il dit au messager, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons jeter sur toi, une parole lourde de sens et lourde d'implication. et l'autre dans ses implications parce que c'est une responsabilité, hein. Et en même temps, la science, c'est l'héritage des messagers et des prophètes. Donc celui qui porte la science, eh bien, il a accepté de prendre une part de l'héritage des prophètes dans la compréhension des révélations que Allah a envoyées aux hommes et qu'il a envoyées donc aux messagers. Donc lorsqu'on apprend cette révélation et qu'on étudie cette révélation, eh bien, on rentre dans le nombre des héritiers des messagers. Bien entendu, c'est lorsqu'on apprend à comprendre cette révélation que Allah a révélée aux messagers, et en s'accrochant à cette révélation de manière ferme et en essayant de la mettre en pratique de la façon qui satisfait Allah Azza wa Jal et que Allah agrée et que Allah aime. Cette science que Allah Azza wa Jal a glorifiée et dont il a fait l'éloge de ceux qui la détiennent, cette science, et il a mentionné à propos de ceux qui détiennent cette science en leur promettant des degrés élevés auprès de lui. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles quelqu'un doit faire des efforts s'il veut en obtenir une part, justement pour en faire partie, pour faire partie du nombre de ces héritiers-là, les héritiers des prophètes. Mais c'est pas seulement héritier des prophètes dans la connaissance de cette religion, mais aussi dans l'application, dans la pratique et dans la croyance, c'est-à-dire de croire en cette révélation et d'avoir la aqida qui correspond et d'avoir également la méthodologie des prophètes et des messagers et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, non pas seulement de porter la science, comme par exemple les fils d'Israël. Allah Azza wa Jal les a décrits dans le Coran en disant qu'ils sont comme des ânes, qui portent des livres. Donc c'est une chose d'avoir des livres et de porter des livres, mais ça ne fait pas de quelqu'un un héritier du prophète, jusqu'à ce que cette personne ait compris cette aqida et cette croyance et l'ait mis en pratique et ait suivi la méthodologie qui a été transmise depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les sahaba jusqu'à notre époque par les ulama de l'islam et les imams de la religion. Donc de suivre la méthodologie qui a été transmise dans la façon de comprendre la religion, de comprendre les textes de la révélation et dans la façon de les mettre en pratique. D'accord? Et non pas de prendre les textes et d'essayer de les interpréter chacun selon ses désirs et chacun selon sa passion, comme on le voit malheureusement dans beaucoup de groupes, dans beaucoup de tendances, parmi les tendances des gens de la passion et des gens de bid'ah. Donc c'est la science et c'est la pratique selon ce que Allah Azza wa Jal a voulu. Al-ilm, comme يقول l'imam al-Bukhari, باب العلم قبل القول والعمل. La science, c'est comme l'imam al-Bukhari le dit dans son Sahih, un chapitre, il dit la science vient avant la parole et avant la pratique. Parce que la science, c'est la base sur laquelle est établie les paroles et sur laquelle est établie les croyances et les actions également. Donc la science, elle vient avant tout, avant toute chose. Et on voit parfois certaines personnes qui mettent beaucoup d'importance sur la pratique et qui appellent les gens à mettre toutes sortes de choses en pratique et qui leur disent, la science, ça vient après, c'est pas important. Concentrez-vous sur l'application. Et on le voit par exemple chez la secte des gens de Jama'at al-Tablir. Ils vont prendre quelqu'un par exemple qui sort d'une d'une discothèque ou bien quelqu'un qui sort d'un bar en train de boire de l'alcool, il l'amène avec eux à la mosquée, hein, et la personne, elle connaît rien, et elle a jamais rien étudié de la religion, et puis il lui dit, lève-toi et enseigne, prêche. Prêche la religion aux gens. Comment il va prêcher? Comment il va enseigner? Il a jamais étudié. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait quelqu'un pour prêcher l'islam, il n'envoyait pas des jama'at, il n'envoyait pas des groupes de personnes. Il envoyait parfois un seul ou deux. Et de la main de cet individu ou de ces deux individus qu'il envoyait, eh bien, il y avait des nations et des peuples qui se convertissaient, des tribus entières qui acceptaient l'islam. Pourquoi? Parce qu'il envoyait des ulama, comme Mu'ad ibn Jabal, et d'autres également. Donc, c'était pas d'envoyer n'importe qui et de laisser parler n'importe qui, mais d'envoyer les ulama qui connaissent la religion et d'envoyer des personnes qui ont une base. Donc la base de la religion, avant même de mettre quelque chose en pratique, de faire des œuvres, il faut avoir la science, c'est la base. Et il est obligatoire pour nous de tenir compte de tout ce qui sort de notre bouche, de tout ce qu'on dit, pour que ce soit basé sur la science. Et de ne pas parler sans science, ça c'est extrêmement important. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, rapporté selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith de la plus haute authenticité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc tu as deux choix. Soit tu dis du bien, tu dis de la vérité, tu dis quelque chose qui est basé sur de la science, ou bien l'autre choix c'est quoi? C'est de se taire. Et ça c'est préférable. Préférable de se taire que de parler sans connaissance. Donc le croyant qui est savant, et qui respecte la science, et qui respecte le message que Allah Azza wa Jal a envoyé à ses messagers, il va, se parer du comportement noble, qui accompagne cette science. Et il ne va dire que du bien. Il n'y a rien qui va sortir de sa bouche excepté du bien. Et s'il n'a pas le moyen de dire la vérité ou de dire une parole de vérité, alors il va se taire. Il ne va pas dire des obscénités ou dire des paroles déplacées ou être impoli ou vulgaire. Il ne va pas dire des paroles de fausseté. Il ne va pas parler dans le dos des gens ou colporter des rumeurs ou des fausses informations ou faire de l'injustice dans ses propos. Et aussi, il va pas parler selon ses opinions personnelles, parce que ça, c'est une chose que les salafs ont critiqué grandement. Et même Omar ibn al-Khattab, il disait, « Tahimu ra'yu fi dinikum ». Si je me souviens bien, c'était un exemple d'une parole de Omar ibn al-Khattab, dans laquelle il disait, méfiez-vous et accusez vos opinions personnelles dans la religion. Il dit parfois vous pouvez avoir une opinion, vous pensez que qu'est-ce que vous dites c'est vrai, et ça contredit le Coran et la Sunna et la façon la voie des salafs et la méthodologie des ulama. Et vous contredisez ça et vous ne vous en apercevez pas. Et c'est comme dans la bataille de Al-Hudaybiyah, plusieurs d'entre les sahabas, ils étaient pas contents parce que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait signé cette entente de paix avec les mouchriquins. Et pour certains d'entre eux, c'était un peu une honte pour eux d'accepter certaines des conditions qui étaient dans cette entente de paix avec eux, parce qu'elle était désavantageuse pour l'islam et pour les musulmans, en apparence. Alors que Allah Azza wa Jal dans le Coran l'a qualifié de grande victoire, victoire éclatante, évidente, fathan mubina. Mais c'était pas une victoire apparente pour tout le monde, parce que la connaissance et la compréhension de chacun, elle est différente. Et donc certains ont compris ce que d'autres n'avaient pas compris, comme Abu Bakr radiallahu anhu. Il voyait plus loin que d'autres. Et il comprenait justement les aboutissements et la sagesse qu'il y avait dans le fait d'accepter certaines de ces clauses avec les mouchriquins, et que ça allait avoir un impact positif sur la da'wah à long terme et la propagation de l'islam. Tandis que d'autres voyaient les choses de façon plus superficielle et à court terme, et ils ne comprenaient pas comment on pouvait accepter cette entente telle quelle. Mais Allah Azza wa Jal a établi que finalement c'était une victoire. C'était une victoire pour l'islam et pour les musulmans. Donc pendant 10 ans de paix, les musulmans ont profité justement pour propager cette da'wah et faire avancer la parole d'Allah et élever la parole d'Allah, jusqu'à ce que finalement, par la suite, les mouchriquins eux-mêmes soient les premiers à contredire l'entente qu'ils avaient eux-mêmes proposée. Tout ça pour dire, des fois, on pense quelque chose et on a une opinion personnelle, et on se permet parfois de critiquer certaines décisions et certaines paroles et certains principes qui sont établis par les ulama et qui sont établis par les principes du Coran et de la Sunna. Certaines personnes avec des compréhensions et des visions qui sont limitées, ils ne comprennent pas les sagesses qu'il y a derrière. Et puis ils se mettent à parler sur des sujets puis à critiquer sans connaissance, et à la fin ils se font du tort à eux-mêmes sans même s'en apercevoir. Donc le mu'min qui se préserve vis-à-vis d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce que Allah a interdit, et qui met en pratique ce que Allah lui ordonne de la science, et qui tient compte des orientations et des consignes divines qui sont accompagnées par cette science, la connaissance du Coran et de la Sunna, et qui tient compte de ces mouvements, qui tient compte de ces moments de quand est-ce qu'il doit bouger, quand est-ce qu'il ne doit pas bouger, quand est-ce qu'il doit parler, quand est-ce qu'il doit pas parler, quand est-ce qu'il doit agir, quand est-ce qu'il ne doit pas agir, tout ça il tient compte dans ça, de cette science, de qu'est-ce qui est enseigné dans cette science. S'il parle, il parle selon cette science. Et s'il se tait, il se tait selon cette science. Et s'il bouge, il bouge selon cette science. Et s'il cesse de bouger, ou il s'abstient d'agir, il s'abstient selon cette science. Donc toute sa personne, ses opinions, ses points de vue, ses paroles, ses silences, ses actions, et disons l'absence d'action, l'absence d'action lorsqu'il s'abstient d'agir, tout ça c'est basé sur cette compréhension et cette connaissance de la religion qu'il détient. Parce que il réalise que, comme Allah il le dit dans le verset 18 dans sourate Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot que tu prononces qui sort de ta bouche, excepté qu'il y a un script, un script qui te surveille et qui attend chaque mot qui sort de ta bouche pour l'écrire, hein, pour écrire ce que tu vas prononcer comme mot, comme parole. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche, et pas seulement qu'est-ce qui sort de ta bouche, qu'est-ce que tu écris aussi. Peut-être quelqu'un dit non, moi j'ai pas parlé, j'ai écrit. Et écrire c'est la même chose que parler, hein. Parfois même que écrire c'est plus dangereux même. Qu'est-ce que tu écris, ça reste. Il y a des gens qui écrivent sur Twitter, il y a des gens qui écrivent sur Facebook, il y a des gens qui écrivent ailleurs, hein. Et même parfois ils se cachent derrière des pseudonymes, des fausses identités, pensant qu'ils sont à l'abri d'Allah et de son châtiment. Alors que Allah Azza wa Jal, il sait qui ils sont, ils ne peuvent pas se cacher. Donc faites attention à ces choses-là, c'est grave. Et faites attention à ce que vous écrivez aussi, parce que vous allez avoir des comptes à rendre pour ça aussi. Allah musta'an. Il y a des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. وَهَذَا هُوَ الْعِلْمَ النَّافِعُ الْمَحْمُودُ. C'est ça la science bénéfique qui est louable pour Allah Azza wa Jal, et qui est louable pour celui qui la détient, parce qu'il craint Allah, et il sait que Allah Azza wa Jal le surveille, et surveille qu'est-ce qui sort de sa bouche, et surveille ses actions, hein, dans ses adorations. Est-ce qu'elles sont sincères et pures pour Allah? Est-ce qu'il adore Allah comme si Allah le, comme si il est conscient que Allah le regarde? Hein? Est-ce qu'il adore Allah comme s'il le voyait? Et sinon, est-ce qu'il l'adore comme si Allah le voit? Hein, il est conscient du regard d'Allah sur lui pendant qu'il adore Allah? Et est-ce qu'il croit en Allah Azza wa Jal, hein, avec sincérité? Et est-ce qu'il sait que Allah Azza wa Jal le regarde? Et Allah sait les choses qui se passent en lui-même et les mouvements qui se passent dans son cœur, les intentions, les pensées, les idées, les suggestions de son âme, hein, les convoitises, et tout ce qui peut se passer dans son cœur. On peut le cacher aux hommes, mais on ne peut pas le cacher à Allah. Hein? Donc, lorsque le mu'min, il est dans, disons, ce degré de conscience par rapport à Allah Azza wa Jal, et qu'il a la science, eh bien, ça c'est la clé pour le succès. La science, ce qu'on veut de la science, et l'objectif et le but de la science, c'est pas seulement de l'étudier pour obtenir des diplômes, hein. Parce que des diplômes, c'est uniquement des choses qui indiquent que la personne, elle a bien mémorisé les choses qu'elle avait à apprendre pour la leçon. Et il y a beaucoup de gens qui apprennent la science et qui mémorisent lorsqu'ils sont dans des universités ou dans des écoles, hein, pour apprendre la religion, ils étudient uniquement que pour l'examen. Ça veut dire qu'après l'examen, ils vont remettre leurs livres dans les étagères et ils vont jamais reviser par la suite. Donc, si tu les vois après l'examen et tu leur demandes la question à propos des choses qui étaient dans l'examen, ils peuvent pas répondre parce qu'ils ont uniquement étudié pour l'examen. Ils n'ont pas étudié cette religion-là comme étant quelque chose qui fait partie de leur vie. Hein? Donc c'était uniquement pour obtenir un diplôme, et une fois que le diplôme a été obtenu, hein, eh bien c'est comme si cette science-là, elle a été un petit peu délaissée par la suite. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une erreur. Donc le but et l'objectif de la science, eh bien c'est la compréhension de cette science, la compréhension de la croyance islamique, de la aqida, et de l'adoration d'Allah, et des comportements, et de l'éthique, et des bonnes manières, et de la morale islamique, et de tout ce qui est rattaché à la vie du croyant. Il est obligatoire pour le croyant d'établir sa vie selon la lumière du Coran et selon la lumière de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans son adoration, en purifiant son adoration pour qu'elle soit pure et exclusive à Allah seul, hein, parce que Allah azza wa jalla nous a ordonné de faire preuve d'ikhlas, hein, c'est-à-dire de purifier notre adoration pour qu'elle soit débarrassée de toute forme de shirk et qu'elle soit pure et exclusive à Allah seul. Il dit dans le verset 5 dans Surat Al-Bayyinah, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, hein, et en s'écartant de l'idolâtrie et en se penchant vers l'adoration exclusive d'Allah en étant des hunafa, hein, des adorateurs purs d'Allah, et en établissant la salat et en donnant la zakat. Voilà la religion de la droiture. C'est ça la religion. Tu demandes, si quelqu'un te demande, c'est quoi la religion d'Allah? C'est quoi la religion de la droiture? Tu dis, c'est la religion d'Allah. La religion de la droiture, c'est d'adorer Allah seul, de ne rien associer avec lui, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, et d'établir la salat et de donner la zakat. C'est-à-dire d'établir son adoration. Hein? Et c'est ça la religion de la vérité. C'est ça l'islam. C'est la religion de tous les prophètes d'Allah. Et donc, il est obligatoire de s'éduquer soi-même sur cette science, d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos élèves pour qu'ils soient capables, hein, pour qu'ils soient capables d'atteindre cette éducation-là, ce degré-là dans la religion. Et c'est base des enseignements de la religion. Et pour que notre voix et notre parole les atteignent, on les éduque à respecter les ulama. Et ça, c'est une des particularités des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, le respect des hommes de science. Le respect des ulama. Hein? Parce que quand on regarde, ça c'est une des grandes différences entre les gens de la bid'a et les gens de la sunna. Les gens de la sunna, ils respectent les ulama. Ils ne dénigrent pas les ulama. Ils ne rabaissent pas les ulama. Ils ont des respects pour les ulama. Et ils mettent les ulama au devant dans les questions de religion et dans les questions de da'wa. Ils ne vont pas prendre des décisions et décider ou donner des fatawas sans revenir aux ulama, hein, dans les questions, surtout dans les questions qui touchent, hein, au destin ou bien plutôt à la voie que les musulmans sont en train de suivre et vis-à-vis des problèmes et des situations qui touchent la umma en entier dans son orientation et dans sa façon d'avancer sur le chemin, hein, sur le chemin de la vie, hein, dans des questions qui touchent aux musulmans en général et à l'avenir de cette umma, hein, et des sujets qui touchent à des sujets de sécurité ou des sujets de crainte ou des sujets de malheur ou des sujets de peu importe, des choses qui touchent des populations entières, quand c'est des grands sujets de ce genre, de cette envergure, de revenir aux grands hommes de science et de respecter les ulama. Vous savez qu'à l'époque des salafs, même, hein, les grands dirigeants, les khulafa, ils revenaient aux ulama pour demander des conseils et pour demander des verdicts religieux sur des questions avant de prendre des positions ou de prendre des décisions, hein, dans la politique et dans l'économie ou dans d'autres domaines. Hein? Et donc, même Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il voulait parfois avoir une opinion sur quelque chose, il rassemblait tous les gens de Badr, tous les sahaba, parmi les ulama, il les rassemblait, puis leur demandait leur point de vue et qu'est-ce qu'ils avaient comme science à propos de tel ou de tel sujet avant de prendre une position. Donc ça nous indique à quel point c'est important dans notre vie de donner du poids à l'opinion des ulama. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que beaucoup de musulmans, dans leur vie personnelle, ils ne tiennent aucun compte, hein. Ils n'ont aucun respect pour les ulama. Ils ne vont pas aller demander des verdicts religieux aux hommes de science par rapport aux questions qui touchent à des grandes décisions dans leur vie. Des décisions qui risquent d'affecter parfois le sort du reste de leur existence sur cette terre. Et dans les questions qui ont attrait à des sujets qui sont reliés à des questions religieuses, ils tiennent pas compte de la religion dans ces questions-là. Ils vont selon leur passion et leur désir. Et ça, c'est dommage. Allah al-Musta'an. Il y en a d'autres qui ont l'opinion ou l'idée que, de toute façon, ce sont des opinions. Hein. Les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? C'est leur opinion. En voulant dire, on n'est pas obligé d'écouter qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Même lorsque ces savants-là parlent avec preuve, hein, eux, ils disent, ça, c'est des opinions. Alors qu'ils citent des versets, des hadiths, et des preuves claires sur le sujet. Donc ça revient en même temps aussi à suivre ses passions dans des questions comme ça. Et c'est très dangereux. Donc, le respect des hommes de science sur la piété, sur le fait de se préserver d'Allah Azza wa Jal et de suivre ce qui vient dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le but de cette science de l'islam, c'est l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager et le fait de croire en ce que Allah nous a donné comme information au sujet de la religion, ainsi que ce que le prophète Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné comme information au sujet de cette religion. Il n'y a rien qui nous vient du Coran ou de la Sunna authentique du messager d'Allah, excepté qu'on doit y croire. Hein? Et on a dans notre cœur pour cette information qui nous vient d'Allah et de son messager, hein, le respect total. Hein? Et la soumission. Hein? La soumission. Le respect total. Et l'acceptation totale. Donc c'était ainsi que vivaient et c'est ainsi que acceptaient les sahaba, les salaf al-salih. Lorsqu'un verset était révélé, lorsqu'une question était révélée, ils ne perdaient pas de temps pour le mettre en pratique. Ils se précipitaient à le mettre en pratique aussitôt qu'ils l'apprenaient. Aujourd'hui, on apprend beaucoup, beaucoup de choses très rapidement, puis on met très peu en pratique. Donc, nos salafs, ils avaient du respect pour cette science et ils avaient du respect pour les savants, pour les ulama. Et ça fait partie du respect de la science qu'ils portent. Hein, parce que lorsque tu respectes la science, eh bien, ça t'oblige à respecter ceux qui portent cette science. Parce qu'ils ont fait l'effort pour acquérir ce savoir et cette science-là, et ils le mettent en pratique. Donc, à l'époque des salafs, on voit que parfois un homme pouvait faire des longs voyages, hein, périlleux. Il pouvait quitter un endroit, hein, en Orient, pour aller jusqu'en Occident. Hein. Et d'un endroit, il pouvait partir de l'Espagne pour aller jusqu'en Irak pour chercher hein, la science et apprendre les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et apprendre la science du Coran. Hein? Donc ça, c'est pourquoi les gens faisaient ça, parce qu'ils avaient compris l'importance de cette science. Maintenant, si on met ça en parallèle avec certaines personnes aujourd'hui, comment ils font des voyages pour apprendre toutes sortes d'autres sciences, hein? Il y a des gens, par exemple, ils veulent apprendre les arts martiaux. Et ils apprennent que, par exemple, il y a un maître dans tel ou tel art, hein, martial qui enseigne dans tel pays. Et que c'est un des meilleurs au monde dans son sport ou dans cet art martial. Ils vont partir, aller faire des longs voyages et rester parfois des années pour apprendre de ce maître. Et rester pendant des années jusqu'à ce qu'il maîtrise la technique. Hein? Ça, c'est pour des questions de la dunya. Il y a d'autres personnes qui vont partir quand ils veulent apprendre une science, que ce soit la médecine, ils veulent devenir ingénieurs, ils veulent devenir médecins, ils veulent apprendre n'importe quoi. Même des fois, il y a des gens, ils veulent apprendre la cuisine. Ils veulent étudier avec un grand chef, hein, qui est de renommée mondiale, hein, combien d'étoiles. Et donc, ils veulent profiter de sa connaissance et de son expérience et de son savoir-faire. Ils vont partir étudier avec cette personne pendant des années jusqu'à ce qu'ils deviennent un chef eux-mêmes. Hein, pour par la suite, pouvoir enseigner à leur tour. Si c'est le cas dans des questions de la dunya, des choses qui ne peuvent rien faire pour nous au jour de la résurrection, que dire de la science de la religion d'Allah? Hein? Quand on te dit, il y a, dans tel pays, il y a un grand alim, un grand savant, qui enseigne le Coran et la sunna, selon le Coran et la sunna, selon la compréhension des salafs. Vous pouvez aller étudier avec lui. Eh bien, si quelqu'un connaît l'importance de cette science et la valeur de cette science, il va faire l'effort pour partir étudier avec ce cheikh, pour partir étudier avec ce alim, rester assis avec lui pendant des années pour vraiment profiter de tout ce qu'il a, et puis après il va pouvoir retourner et enseigner à son tour. Et ça, c'est juste un exemple qu'on voit, que je dis par exemple par rapport à quelqu'un aujourd'hui, il va étudier avec un savant. Ça, c'est à notre époque, on voit ça des fois, des gens, ils ont étudié avec un cheikh ou deux cheikhs ou peut-être 10 cheikhs. Tandis qu'à l'époque des salafs, il y avait tellement de ulama, on voit par exemple l'imam al-Bukhari, il avait plus que 1000 cheikhs. Hein? Il mentionne ça dans sa biographie. Plus que 1000 cheikhs. Hein? Et le fait d'avoir autant de professeurs et d'enseignants, ça fait en sorte que justement, ces ulama, ils s'accrochent plus à la science. Hein? Et ils comprennent la valeur de la science. Ce qu'ils ont pu apprendre avec un, hein, ils n'ont peut-être pas pu apprendre tout de ce cheikh. Qu'est-ce qui leur manquait chez un de ces chouyours, ils l'apprennent de l'autre. Et chacun de ces ulama, hein, eh bien, c'est un océan de science. Donc, à notre époque, ça, c'est une des choses que les gens ont délaissé. Illa man rahim Allah. Le fait de partir pour, hein, la quête du savoir. Surtout des musulmans qui vivent dans des pays où il n'y a pas de ulama, où il y a des toulab qui enseignent, c'est bien. Mais c'est pas pareil que d'étudier avec des ulama. Hein? Et il faut pas oublier une chose aussi. Avec la colonisation dans les pays musulmans, beaucoup de savants dans le monde musulman ont quitté les pays musulmans pour aller s'installer à Mecca ou à Médina. Et dans les pays musulmans où il n'y avait pas de colonisation. comme les terres saintes. Alors, ça, ce qui fait que à ces endroits-là, on trouve beaucoup de ulama, tandis que dans les autres pays musulmans, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les gens, ils se demandent, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de ulama partout? Alors qu'avant, à l'époque, il y avait des savants dans chaque pays musulman. Hein? Il y avait un imam dans chaque pays. L'imam al-Auza'i, en Syrie. L'imam Ibn Uyayna. Hein? Soufyan Ibn Uyayna, à Mecca. L'imam Malik Ibn Anas, à Médine. L'imam, Layth Ibn Sa'd, en Égypte. Et l'imam Soufyan al-Thawri, en Irak. Et ainsi de suite. Chaque grande ville, chaque région avait son imam. Sans compter les centaines et les milliers de shuyukh et de ulama et de tullab al-ilm qui existaient à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, tous les ulama sont concentrés presque dans un seul pays. C'est pour cette raison que les ulama, ils encouragent toujours les jeunes à partir étudier, une fois qu'ils ont étudié, de retourner dans leur pays pour enseigner, pour ouvrir des écoles, pour ouvrir des universités, pour que la science commence à renaître dans les pays dans lesquels elle a été oubliée ou négligée. Donc c'est ça l'objectif. Et les ulama, donc ils enseignent, et les tolab, ils font les efforts pour aller apprendre et étudier la science avec les ulama, parce qu'ils ont un respect pour cette science. Il dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme pouvait partir dans toute la péninsule, il venait de tous les coins de la péninsule arabe pour venir à Médine apprendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même les questions de la religion. Parce qu'ils avaient entendu parler de l'islam, et certains même avaient accepté l'islam par la main d'un d'entre les sahaba, ou bien par quelqu'un qui leur a parlé de l'islam et ils se sont convertis. Mais ils voulaient aller voir le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même directement pour apprendre de lui directement la religion de l'islam. Donc il partait jusqu'à Médine pour aller apprendre. Et il devenait des ulama, des savants, et il retournait dans leur ville pour enseigner aux autres. À l'époque des tabi'oun, ou des sahaba, ça c'était à l'époque des sahaba, ils allaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque des sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a pris son âme, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus présent. Alors qu'est-ce que faisaient les tabi'oun pour apprendre la religion? Ils allaient et ils partaient étudier avec ceux qui ont appris directement du messager d'Allah, c'est-à-dire les sahaba. Donc ils partaient, ils allaient voir les sahaba, ils apprenaient d'eux la religion de l'islam. Hein? Et certains des sahaba, lorsqu'ils se sont dispersés dans différentes villes, Jabir, à Médine, il est allé jusqu'à Sham pour un seul hadith. Abu Ayyub al-Ansari, il était à Médine, il est parti en Égypte pour un hadith. Et lorsqu'il a entendu, il dit, وَلَمَّا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَنْشُدُهُ لَوَزِمَامَ نَاقَتِهِ وَعَدَ إِلَى الْمَدِينَةِ. Quand il est arrivé en Égypte, il est allé en Égypte juste pour entendre le hadith de celui qu'il avait rapporté parmi les sahaba. Et quand il est arrivé en Égypte, il demande au sahabi, est-ce que tu peux me citer ce hadith? Peut-être qu'il l'a entendu, il veut se rafraîchir la mémoire, ou il veut l'entendre de celui qui l'avait rapporté. Alors il arrive en Égypte, il rencontre le sahabi, et le sahabi lui donne ce hadith et lui dit, Tu as fait un long voyage de Médine jusqu'ici en Égypte. Repose-toi. Il dit, non, je retourne maintenant à Médine. Je suis venu juste pour entendre le hadith seulement. Subhanallah. Vous imaginez? Hein? Donc c'est à quel point ils avaient l'amour de cette science, l'amour de cette religion. Hein? Quelqu'un quand il a la nostalgie, hein, pour cette science, l'amour pour cette science. Un seul hadith qui a fait frissonner son cœur, qui a fait vibrer son cœur. Il veut l'entendre encore de celui qui l'a rapporté. Il part, il fait un voyage. Peut-être qu'il prend des semaines et des mois même pour arriver là-bas. Et quand il arrive là-bas, il entend le hadith et il repart. Subhanallah. Donc ça, c'est l'exemple de nos salafs. On a besoin de cette initiative-là à notre époque, de cette attitude-là envers la science chez les jeunes. Hein? Cet amour de la science qui faisait que parfois quelqu'un pouvait même partir à pied, marcher pendant des mois, il traverse l'Afrique, il arrive jusqu'à Médine juste pour étudier la science. On entendait ça dans le passé. Aujourd'hui, on prend l'avion, hein, on arrive à l'aéroport, on prend l'avion, quelques heures après, on est déjà arrivé. Et on reste pendant des semaines et des mois, et puis on profite pas de la science, alors que les ulamas sont là. Hein, c'est triste. Et donc, c'est ainsi que les ulama du hadith et du tafsir et du fiqh, hein, de la compréhension de la pratique des règles de l'application de la religion, ils partaient dans toutes les régions de l'Orient, hein, et partout même jusqu'au Maghreb, jusqu'en Espagne pour cette science. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la valeur et l'importance de cette science, hein, et le degré élevé de cette science et la noblesse de cette science dans le bas monde et dans l'au-delà, et le fait que Allah Azza wa Jal élève ses gens. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, il faut s'en souvenir, il faut se rappeler de ça constamment, parce que sinon il y a des gens, ils ont été avalés par la dunya et par ses parures et par ses illusions et par ces, hein, comme on dit, ces mirages, les mirages de la dunya. Tu cours derrière quelque chose, tu penses que c'est réel, et puis lorsque tu arrives, tu réalises que c'était rien. Hein? Combien de gens courent derrière des choses à notre époque? Subhanallah. Hein? Surtout avec les nouvelles technologies et les nouvelles manières de perdre le temps qui ont été inventées à notre siècle, à notre époque. C'est catastrophique quand on voit ça. Et parmi les signes ou les exemples, parmi les exemples de la noblesse de la science, il y a le fait que Allah Azza wa Jalla n'a pas ordonné à son messager de demander quoi que ce soit de la dunya. Il lui a uniquement ordonné de demander une chose et de demander d'avoir plus d'une seule chose, et c'est la science. Dans le verset 114 dans sourate Taha, Allah Azza wa Jalla il dit: wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, et dit: mon Seigneur, augmente-moi en science. Dit: oh mon Seigneur, augmente-moi en science. Il n'a pas dit: augmente-moi en argent, augmente-moi en dunya, augmente-moi en pouvoir, en autorité, en force. Non, il a dit: augmente-moi en science. Hein? Même si c'est pas interdit de demander de l'argent ou des choses de la dunya. Mais, il n'y a rien de meilleur et de plus important que cette science. Dans tout ce qu'il y a dans la dunya, il n'y a pas meilleur que la science. Il n'y a pas plus important que cette science. Parce que sans cette science, tu peux rien. Tu peux même pas faire la salat. Tu peux même pas faire du'a. Tu peux même pas faire ton wudu. tu peux même pas faire ta salat, tu peux pas faire ton hajj, tu peux pas faire ta zakat, tu peux pas faire, tu peux même pas établir ton tawhid et ta croyance si t'as pas cette science. Tu vas faire n'importe quoi si t'as pas cette science. Tu vas devenir comme les juifs et comme les chrétiens si t'as pas cette science. Tu vas devenir comme les bouddhistes et les hindous et les mushrikines si t'as pas cette science. Tu vas devenir comme les animistes, hein, et les voodooisants si t'as pas cette science. Tu vas devenir comme les, hein, les ignorants et les athées si t'as pas cette science. C'est pour ça que cette science, elle est tellement importante. Hein? La ilaha illallah. Et donc, lorsqu'on a compris les preuves qui indiquent, hein, la valeur et la noblesse, le statut élevé de cette science auprès d'Allah, hein, et qu'on sait que le messager d'Allah, c'est lui qui est le plus savant parmi tous les savants, parmi les hommes, hein, c'est le messager d'Allah qui est le plus savant. Et malgré ça, Allah Azza wa Jalla lui demande de demander plus de science. Subhanallah. Alors ça veut dire que le talib al-ilm, celui qui cherche la science, hein, il doit lui aussi chercher cette science et demander cette science, comme on dit, hein, du berceau jusqu'à, hein, la tombe. En anglais, ça, on dit from the cradle to the grave. From the cradle to the grave. C'est-à-dire du berceau jusqu'à la mort, jusqu'à la tombe. Tu cherches la science. Et tu ne dois jamais te voir, hein, il ne doit pas y avoir un jour qui arrive dans lequel tu considères que tu es devenu un savant, hein, ou penser que tu as déjà obtenu ou acquéri le niveau de science dans lequel tu te sens satisfait. Non, parce que tu dois toujours continuer à chercher la science. Donc ça veut dire que même si tu es le plus grand savant au monde, tu dois toujours continuer à te considérer comme un étudiant et comme un élève, quelqu'un qui apprend. Et chaque jour de ta vie doit être un jour d'apprentissage jusqu'à ta mort. Et c'est ce qu'on voit de la part même des grands ulama de notre époque. Hein? Et les salafs, ils étaient comme ça. Donc les ulama à notre époque, ils suivent l'exemple de nos salafs. Hein? Et certains frères en Afrique, ils m'ont dit, lorsque, par exemple, les chouyours soufis, hein, ils parlent, les chouyours soufis, ils disent qu'ils ont atteint, yani, al-yaqin, ils ont atteint la science, ils connaissent Allah, ils se font appeler al-arif billah, ils font partie des arifin, et donc ils parlent, comme si, avec arrogance et avec fierté, avec, hein, comme si ça y est, ils ont déjà atteint les degrés de perfection dans la connaissance et dans la religion et dans la foi et dans la connaissance, et ils pensent même qu'ils ont appris des secrets, hein, des secrets dans la religion. Allah al-musta'an. Donc aucune modestie. Alors quand ils entendent des ulama salafiyin, des ulama des salafs, des ulama de la sunna, qui parlent de façon modeste, hein, et qui mentionnent qu'ils sont des étudiants, hein, ils refusent de se faire appeler savants ou de dire qu'ils sont des savants. Hein, ils disent, non, moi je ne suis qu'un élève, je ne suis qu'un étudiant. Ils refusent de se faire même glorifier ou de se faire des éloges, hein. Alors eux, ils disent, ah, comment ça? Pourquoi le cheikh, le alim, il dit qu'il est ignorant ou qu'il n'a pas beaucoup de savoir, qu'il n'a pas beaucoup de connaissances? Ça, c'est bizarre, hein? Parce qu'ils sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à entendre des gens, hein, surtout les gens de bid'a, qui s'élèvent et qui sont orgueilleux et arrogants et fiers et qui montrent et qui parlent sans aucune modestie. et sans aucune honte de leur science, comme s'ils avaient rien à apprendre de personne. Alors que quelqu'un qui a moins de science que toi peut t'apprendre quelque chose. Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu n'as pas encore appris ou que tu n'as pas encore compris. Donc peut-être que quelqu'un qui connaît moins que toi peut avoir appris quelque chose que toi tu n'as pas appris et tu peux profiter de cette science-là. C'est pour ça qu'il faut toujours rester modeste. Et aussi en même temps, il faut apprendre à reconnaître le mérite et la valeur des hommes de science. Hein? Donc tu cherches toujours à augmenter ta science. Et la science, comme l'imam Ahmad, il le disait, il dit, « An-nas ashaddu ilayhi hajatan min hajatihim ila al-ta'ami wa al-sharab. » Subhanallah. L'imam Ahmad, il disait, on a besoin de la science plus que de manger et de boire. Hein? Il dit, parce que tu peux manger un repas ou deux dans la journée, c'est suffisant. Il dit, mais la science, tu en as besoin à chaque instant. Et chaque respiration, tu en as besoin de cette science. Hein? Sans cette science, tu peux pas vivre un instant. Hein? Parce qu'ils ont compris la valeur de cette science et l'importance de cette science et l'importance de l'application de cette science. Mais celui qui n'a pas compris ça, il va pas comprendre cette parole-là. Hein? Donc il faut avoir de la compréhension, il faut avoir l'esprit vif, l'esprit éveillé. Il faut être intelligent et demander à Allah Azza wa Jal de nous augmenter en science tout le temps. Hein? Pour être capable de voir aussi la valeur de la science et son degré élevé et l'importance des hommes de science. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. » Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Hein? Donc, si quelqu'un s'oriente vers la quête du savoir et l'apprentissage, et qu'il met la science qu'il a en pratique, eh bien, ça fait partie des signes qui indiquent que Allah Azza wa Jal a voulu du bien à cette personne-là. Alors qu'il se réjouisse et qu'il pense du bien d'Allah à ce moment-là, et qu'il soit sincère envers Allah en purifiant ses actions et ses paroles, hein, et sa science pour Allah, et qu'il ne se laisse pas tromper, hein, qu'il ne se laisse pas tromper par les ruses d'Allah et les stratagèmes d'Allah, dans le sens qu'il se sent à l'abri, hein, qu'il se sent à l'abri de l'égarement ou de péchés, ou qu'il pense qu'il est, hein, sauvé, qu'il a réussi. Non. Parce que la première erreur que tu peux faire, c'est de penser que tu es sauvé, ou que tu es déjà à l'abri des égarements. Dis-toi qu'il y a des gens plus savants que toi qui se sont égarés. Hein? Iblis, ça c'est un exemple. Il avait beaucoup de science, mais il a été orgueilleux et il s'est égaré. Et il est devenu shaitan. Donc même si tu as de la science, beaucoup de science, il ne faut pas oublier d'être modeste, il faut pas oublier de rester modeste, et il faut rester vigilant et ne pas se sentir en sécurité vis-à-vis des ruses d'Allah, parce que ceux qui se sentent à l'abri des ruses d'Allah, ce sont les gens perdants, comme Allah il le dit dans le verset 99 dans sourate Al-A'raf, fala ya'manu min makrillah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Donc, des fois, à notre époque, il y a des fitanes, parfois. Il y a des fitanes, il y a des tribulations, il y a des problèmes qui peuvent se produire. Et parfois, certains, même des fois, des chouyours peuvent tomber dans ces fitanes. Et il y a des gens qui voient ça et disent, mais comment ça se fait que lui, c'est un savant, puis il a de la connaissance, puis il est tombé dans cette fitna. Hein? Alors que la personne, elle se voit, elle dit, mais moi, je suis ignorant à côté de cette personne. J'ai pas autant de connaissances que lui. Et pourtant, hein, je ne suis pas tombé dans cette fitna comme lui. Pourquoi? Parce que la question de la guidance et l'application du savoir, hein, ça nécessite également d'être humble et d'être sincère. Donc, c'est pas seulement la quantité de connaissances que tu possèdes, hein, qui fait que tu peux être sauvé. Parce que Iblis avait beaucoup de connaissances, malgré tout, il s'est égaré. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il répétait constamment le dua, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hein? Donc le croyant doit toujours avoir peur que son état change. Hein? Toujours avoir peur de l'égarement. Et donc quand il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oh, toi qui fais tourner les cœurs et qui change les cœurs, raffermis mon cœur sur ton obéissance, sur ta religion. Hein? Pourquoi il disait ça? Et, yani, Aïcha et Anas, ils ont rapporté ce dua du prophète, et certains ont dit, ils ont dit, oh, messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce que tu as amené. Est-ce que tu as peur pour nous? C'est pour ça que tu nous apprends à dire ce dua? Hein? Il a dit, oui, j'ai peur pour vous. Parce que les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Et il les tourne comme il veut. Il dit, Inna al-qulub bayna asbu'ayn min asabi' ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Hein? Et ça, c'est la compréhension. Donc l'être humain ne doit pas se sentir lui-même à l'abri de l'égarement pour dire, moi, je suis salafi. J'ai compris le Coran et la Sunna. Hein? J'ai compris la religion. J'ai pas peur de m'égarer. Je suis sur le droit chemin. Parce que, hein, ça c'est la porte de l'égarement. Le shaitan, il coule dans le fils d'Adam comme le sang. Donc il faut faire attention. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Naam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mes frères, chez nos frères au Cameroun, actuellement. Je crois qu'il est tard, hein, il est presque peut-être 9h20 actuellement. J'ai commencé un petit peu en retard à cause de certains problèmes techniques. Donc ici, nous, au Canada, on est à maintenant 3h20, 3h23. Donc, on a un décalage entre nous. On n'est pas dans le même moment dans la journée. Mais, alhamdoulilah, on est ensemble pour cet événement, cette occasion dans laquelle on a pu se rappeler un peu de certaines paroles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de la compréhension de cette religion dans les paroles de nos ulama au sujet de l'importance de la science et du mérite de la science. Et même si on n'a pas pu compléter cette risale a complètement du début jusqu'à la fin, mais on a quand même lu une bonne partie de ce qui a été expliqué par le cheikh, et il y a dans ce qu'on a lu un rappel très important et très bénéfique. Donc on espère que ce soit quelque chose qui reste, hein, dans nos cœurs et dans notre mémoire, et qu'on puisse Inch'Allah, s'en inspirer pour être plus motivé dans la quête du savoir et dans l'application de cette science, et pour qu'on soit, Inch'Allah, yani, plus éveillé aux responsabilités qui découlent de cette science aussi. Et peut-être qu'on ne sait jamais, mais des fois, ça peut allumer peut-être une étincelle dans le cœur de l'un d'entre nous, qui sera, Inch'Allah, le futur Cheikh al-Islam de cette Ummah. On ne sait jamais qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a préparé pour certains d'entre nous. Donc, yani, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, je remercie les frères d'avoir organisé ce séminaire et je remercie aussi tous mes frères qui participent à ce séminaire aussi avec moi dans leurs efforts dans la propagation de la science et dans cette da'wah salafia. Et c'est quelque chose qui fait toujours plaisir de voir des frères qui partagent et qui font leur part dans l'initiative de propager le savoir et la science dans cette religion. Donc, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته